Chapitre 4e, lecture pieuse. Je commence à croire qu'en ce bas monde, à force de persévérance et avec la grâce de Dieu, comme dit l'abbé Micot, on obtient quelquefois ce qu'on désire. Tout de même, ce brave abbé m'a tenu parole. Il s'est mis en quatre pour trouver à me caser, et vers la fin de janvier, il m'a déniché une vieille dame un peu myope, un peu sourde, qui demandait une jeune fille intelligente, bien élevée, douée d'une voix nette et agréable, pour lui lire des livres de piété. Il a été convenu que chaque jour, fête et dimanche compris, j'irai de 4 à 7 heures chez la comtesse de Seigneul et que je recevrai comme honoraire 90 francs par mois. C'est modeste, mais c'est un commencement. Et cela met un peu de bleu dans mon horizon si noir. Avec ces appointements mensuels et marrants de 2000 francs, je puis, en vivant très économiquement, me passer des subsides du million de M. Laguépierre. Aussi, le jour où l'abbé m'a annoncé cette bonne nouvelle, et je faillis lui sauter au cou. Ce n'est pas cependant sans un violent battement de cœur et une vive appréhension que j'ai commencé mon apprentissage. J'ai passé la matinée, qui a précédé ma première lecture, à boire des gorgées d'eau fraîche pour m'éclaircir la voix, tant je craignais d'avoir des chats. La comtesse habite, rue d'Enfer, le premier étage d'une maison centenaire qui a un aspect claustral. Quand j'ai fait mon entrée dans son grand salon froid, aux meubles recouverts de housses grises, je me sentais un frisson dans le dos, et je me suis regardé un moment dans une glace, afin de m'assurer moi-même si j'avais bien la tenue de l'emploi. Le haut miroir oblong a réfléchi ma figure songeuse, encadrée de bandeaux châtains, dont j'avais soigneusement lissé et aplati les boucles rebelles, à grand renfort d'épingles. « Allons, me suis-je dit, en souriant d'un sourire pâle. « C'est bien. Geneviève, mamie, avec ta petite robe noire, tu as tout à fait l'air d'une lectrice de bonne maison. » On m'introduit dans la chambre de la comtesse. C'est une pièce à mine sévère dans le genre du salon. Point de tapis sur le parquet ciré qui miroite comme une glace. Le meuble Louis XVI est en acajou à coin de cuivre. La cheminée de marbre noir n'a pour ornement qu'une pendule et des flambeaux style rocaille. Au fond du lit, garni de rideaux de damas grenat, un grand Christ étend ses bras sur un carré de velours noir, et autour s'enroule un gros chapelet. Pas un bibelot. Rien qu'un portrait du comte de Chambord et une photographie représentant 3 jolies têtes d'enfants. Les petites filles de la maîtresse du logis. Au milieu de la chambre, il y avait un guéridon, recouvert d'un tapis, et près de ce guéridon, une large bergère en velours d'Utrecht, dans laquelle se tenait Madame de Seigneul, droite dans sa robe unie de soie gris fer, coiffée d'un bonnet à ruban mauve, les deux mains étendues sur ses genoux. La comtesse a environ 78 ans, mais elle est remarquablement conservée et a dû être fort belle, bien que d'une beauté froide. Elle a très grand air dans sa haute taille, un peu raide. Sa peau a dû être très blanche, d'une blancheur de rousse. Ses yeux sont bleus, assez bien fendus et très enfoncés. Les paupières un peu rouges et veinées comme celles d'une personne qui a souvent pleuré. Peu de cils et à peine de sourcils. Le nez aquilin est long, fin sans être pointu. La bouche pleine de bonté et laissant voir en s'ouvrant un magnifique râtelier. Quant aux cheveux, ils ont été remplacés depuis longtemps par un tourblon foncé, formant une papillote touffue de chaque côté des joues. Le cou est emprisonné dans une collerette à tuyaux. Les mains, effilées et maigres, sont de vraies mains de patricienne. La taille n'est nullement décharnée pour la taille d'une vieille, et le buste a même gardé certaines rondeurs qui me font rêver. Je me demande si elles sont authentiques, ou si elles participent de la nature artificielle des cheveux et des dents. Le tout forme un ensemble correct, distingué, avec quelque chose de fier et d'affable en même temps. Madame de Seigneul m'a d'abord fait approcher tout près d'elle, et d'une voix légèrement chevrotante. « Permettez, » a-t-elle murmuré en manière d'excuse, « que j'examine le visage d'une personne avec laquelle je dois passer une partie de mon temps. Je vous ai si peu vu lorsque vous m'avez été présenté. Ôtez votre chapeau et mettez-vous à l'aise. » J'ai obéi et, rougissant jusqu'aux oreilles, je suis venu m'asseoir aussi près que possible de la bergère. La comtesse m'a dévisagé très sérieusement, en faisant une singulière moue mobile que je ne puis comparer qu'au mouvement de lèvres familier au lapin. Puis elle a repris. « L'abbé Micot m'a conté que vous n'étiez pas heureuse. Cela se voit, bien que vous ayez une pointe de malice gaie dans le regard et au coin de la bouche. Allons, chère petite dame, vous me plaisez, et je vous aime déjà par les yeux. J'espère que je vous aimerai aussi par le cœur. » Ces paroles encourageantes m'ont réchauffé. J'étais encore trop intimidé pour oser répondre par un mot aimable, mais je sentais que mes yeux devaient dire ce que je ne pouvais exprimer. Ils m'adressaient des questions sur mon mariage, sur M. Laguépierre, et m'a paru effrayé de ma résolution de vivre seul, sans trop me blâmer cependant de l'avoir prise. Après avoir beaucoup causé, elle m'a montré un livre posé sur le guéridon. « Nous allons commencer par cet ouvrage. Il paraît fort intéressant et m'a été recommandé par notre digne curé de Saint-Jacques. Il nous fera passer des heures agréables. » J'ai soulevé la couverture et regardé le titre. C'était l'histoire de Christophe Colomb. « Il y a 5 volumes, a repris la comtesse. C'est un peu long, mais on ne s'en plaint pas quand le livre est amusant et instructif. Surtout, n'oublie pas que j'ai l'oreille dure. Ne criez pas, pourtant. Cela me fait mal, mais lisez distinctement. » J'ai commencé en tremblant. Ma voix me semblait celle d'une autre. Je m'appliquais, Dieu sait. Je lisais comme un professeur, m'arrêtant légèrement aux virgules, plus respectueusement au point-virgule, avec solennité aux 2 points. J'avais une peur bleue que ma langue ne fourcha et ne me fit commettre quelques liaisons incongrues. Heureusement, tout a bien marché. Cette première lecture a duré près d'une heure. J'avais la conscience d'être monotone et je craignais d'ennui à la bonne dame. Mais non, ma méthode était à la hauteur de l'intérêt du livre. Je n'avais encore rien lu de plus platement insipide. « C'est fort instructif, » murmurait de temps à autre Madame de Seigneul en hochant la tête. « Je remercierai Monsieur le curé de Saint-Jacques. » À la fin d'un mortel le chapitre d'introduction, j'étais toute joyeuse quand j'ai entendu ma comtesse s'écrier de sa voix grêle. « Ah, chère madame, combien je suis aise de vous avoir trouvé. Votre voix est nette, agréable, une vraie voix d'enfant de cœur. Je ne perds pas un mot. De plus, vous savez lire, et voilà qui nous promet de charmants après-midi. » Bien que 7 heures fût sonnée, je n'ai pas osé pour cette première séance avoir l'air trop pressé de partir, et je suis resté cloué sur ma chaise. C'est la comtesse qui m'a congédié. « Allons, bonsoir, madame, » m'a-t-elle dit sans se lever. « J'espère que nous serons contentes l'une de l'autre. À demain. » C'est ainsi que se sont terminés mes débuts. Je suis rentré, toute fière, rue Cassette, où après souper, Naniche m'a forcé d'avaler un lait de poule en prétendant que je devais être exténué. Et je me suis endormi en rêvant à Christophe Colomb, dont je voyais les 5 volumes se multiplier comme les pains et les poissons de l'Évangile. Depuis cette mémorable journée, près de 4 mois se sont passés, et chaque après-midi, la vieille dame et moi, nous avons pénétré plus avant dans la découverte de l'Amérique. Je lui sers par tranches cette nourriture intellectuelle peu savoureuse, et elle l'absorbe sans sourciller. Dans les premiers temps, tout en lisant mon chapitre, je regardais furtivement si elle ne s'endormait pas, et je me disais in petto. Quelle somme je ferais si j'étais à sa place ? Mais elle conservait sa raideur impassible sous cette douche d'ennui qui tombait en plus grise et menue. Elle a fini cependant peu à peu par se détendre et par me mettre plus à l'aise. Parfois, nous posons le livre et elle me questionne curieusement sur mes années de mariage. Alors je me laisse aller à mon naturel gai et je sens que mes réflexions l'amusent. Mon caractère primesautier lui est sympathique et elle devient expansive à son tour. Je la soupçonne de n'avoir pas été non plus très heureuse en mariage. Elle m'insinuait à demi-mot que le fecond de Seigneul était un fort beau cavalier, mais un enragé joueur et un grand coureur de prétentaine. Et elle paraît avoir plus d'une fois souffert de son humeur volage et de son caractère emporté. Après m'avoir conté un jour quelques-unes des frasques du comte, « Enfin, il est mort !» a-t-elle ajouté. Elle disait cela avec un soupir qui n'avait rien de douloureux et qui ressemblait plutôt à un soupir de soulagement. Elle n'a pas une existence très gaie. Et son fils la délaisse pour le monde en hiver et pour les villes d'eau en été. Seule, dans ce grand appartement glacial, avec 3 domestiques dont elle a peur, elle est devenue dévote, plus encore par ennui que par vocation. Ayant été dans son temps très belle, très admirée et très entourée, elle n'a pas pu s'accommoder de cet abandon qu'amène forcément avec elle la vieillesse. En désespoir de cause, elle s'est rejetée vers la société édifiante et pieusement aimable des gens d'église. Sa bourse est toujours ouverte pour leur quête et chaque semaine leur couvert est mis à sa table. Aussi, ils lui font une cour assidue et l'enveloppe de prévenances veloutées. Elle n'est pas fâchée de savourer ses onctueux compliments ecclésiastiques, discrètement et délicatement répandus à ses pieds. Il lui semble y respirer une dernière bouffée des hommages d'autrefois. C'est probablement pour ne pas désobliger son directeur qu'elle ne se lasse point d'écouter l'histoire de Christophe Colomb. Oh, cet aventurier de Christophe! Dieu seul sait à quel point il me porte sur les nerfs. Mais je me venge. Lorsqu'il me semble que la comtesse, bercée par cette insipide lecture, rêve ou sommeille les yeux ouverts, je ne rougis pas de profiter de cette quasi-somnolence. En tournant les pages, j'en escamote adroitement une ou deux. Elle ne s'en aperçoit guère. Parfois seulement elle murmure « C'est bien décousu cet ouvrage, ne trouvez-vous pas, ma chère petite ?» Et j'ai le front de répondre hypocritement « Moi, non, madame. » J'espère toujours qu'elle s'en dégoûtera. Au fond, cette histoire l'assomme tout autant que moi, car de temps en temps elle m'interrompt pour s'écrier « Mon Dieu, chère dame, que vous avez une petite oreille !» ou « C'est singulier que vos sourcils sont nettement dessinés !» Je sens qu'elle ne m'écoute qu'à demi, et je profite de l'interruption pour entamer une digression amusante et lui faire oublier le livre. Mais elle ne se laisse pas tenter. Elle m'a déclaré dernièrement qu'il fallait, coûte que coûte, aller jusqu'au bout, afin de ne pas déplaire à ce bon curé de Saint-Jacques. J'imagine qu'il lui aura imposé cette lecture comme pénitence, et c'en est une lourde. Depuis que nous avons attrapé le printemps, l'histoire du pieux navigateur me paraît encore plus fastidieuse. Les haleines d'avril et de mai m'ont donné des idées de révolte et de dissipation. Je rêve une lecture plus en harmonie avec ce renouveau de verdure et de ciel bleu. À travers les vitres closes, j'entends le sifflet des merles dans les jardins du voisinage. Il me semble qu'en passant par le Luxembourg, j'ai apporté dans mes cheveux et dans les plis de ma robe une odeur de lilas qui m'entête et me donne des distractions. Je saute des phrases entières. Je tourne trois pages à la fois. Mais j'ai beau faire, nous n'avançons pas et nous n'en sommes encore qu'au troisième volume. Quelle idée cet homme a-t-il eu de découvrir l'Amérique ? Me dis-je furieusement en dedans de moi. Hier, je me suis rendu à ma tâche quotidienne, presque en rechignant. J'étais venu par le jardin, et cela me faisait gros cœur de m'enfermer dans cette maison monastique, par ce charmant après-midi de mai, où le ciel riait entre les arbres et où l'air était imprégné d'une verte odeur de sève. En entrant, j'ai trouvé à ma vieille dame une mine toute confite. « Ma bonne petite, » m'a-t-elle déclaré, « nous laisserons dormir, Christophe, pour aujourd'hui. Je dois communier demain, et je vais vous prier de me lire comme préparation quelques pages d'un ouvrage de piété. Cela vous est égal, n'est-ce pas ?» Je le crois bien que cela m'est égal, tout plutôt que la découverte de l'Amérique. L'imitation était sur la table avec la vie de Sainte Thérèse. Madame de Seigneul m'ayant dit de choisir dans le premier de ses livres le chapitre que je voudrais, je me suis arrêté à celui qui est intitulé « Des effets admirables de l'amour divin ». Je le connais de longue date et il m'a toujours plu. Je ne sais si cela tenait à l'air printanier que j'avais respiré et qui m'avait monté à la tête, mais j'ai pris pour cette lecture un tout autre ton que pour l'histoire de cet ennuyeux Christophe. Je me suis moins occupé de la ponctuation et j'ai mis dans ma façon de lire une ferveur et une animation tout à fait inusitées. Ma comtesse a ouvert de grands yeux. Elle avait joint ses deux mains sur ses genoux et m'écoutait béatement. Lorsque je suis arrivé au passage, rien n'est plus doux que l'amour, rien n'est plus fort, plus élevé, plus délicieux, rien n'est plus parfait au ciel et sur la terre. Elle a posé sa main sur la mienne et m'a interrompu en me disant d'une voix légèrement troublée « Mais, ma petite, vous lisez admirablement. C'est toute une révélation. On voit que c'est senti. Continuez, vous me faites grand bien. » Et j'ai continué, toujours avec la même onction tendre et enthousiaste. Pauvre comtesse, hélas, ce n'était pas l'amour divin qui donnait à ma voix cette vibration persuasive. Il s'y mêlait, j'en ai peur, un alliage profane, et peut-être aussi un peu de malice. Mais là où mon triomphe a éclaté, c'était la lecture du livre de Sainte Thérèse, lorsque tout à travers les extases de la religieuse Davila, je rencontrais ces mots « Oh mon bien-aimé !» J'avais une façon de la prononcer qui remuait le cœur de la bonne dame. Cela réveillait sans doute en elle des souvenirs mondains, qui n'étaient pas trop de saison un jour de préparation. Son regard devenait humide. Au milieu de ses effusions mystiques, elle s'est écriée soudain « Ah, petite, petite, quelle âme vous mettez à cette lecture ! Est-ce bien au bon Dieu que vous pensez ?» Quand est venu le moment de mon départ, elle m'attire à elle avec une vivacité que je ne lui connaissais pas et m'a baisé au front. J'étais comme elle, attendri et remué. Je crois que cette capiteuse liqueur de l'amour mystique nous avait un peu grisées toutes les deux. En me retournant, j'ai retraversé le Luxembourg, les marronniers couverts de fleurs roses et blanches se détachant en masses vigoureuses sur ce ciel du soir d'un si adorable ton de turquoise verdi. Les aubépines, les cerisiers doubles, étalaient dans les feuillets l'opulence de leur floraison neigeuse. Les cities aux grappes tombantes mettaient ça et là comme un ruissellement d'or. Les merles se chamaillaient dans les branches, un ramier roucoulait, posé sur l'épaule d'une diane, et une exquise odeur d'amande amère s'exhalait des massifs de giroflées. Ça et là, des couples suivaient d'un air heureux les circuits des allées tournantes. De tous côtés, de clairs rires d'enfants s'envolaient en fusée. Au-delà des toits d'ardoise du palais, qui s'enlevaient en noir sous le ciel rougi, on entendait la musique d'un orgue de barbarie jouant une valse au loin, du côté de la place Saint-Sulpice. Il semblait que dans l'air du soir, on respirait des effluves amoureux et troublants, et je me disais « Toi, tu es seule, toute seule. » Jamais mon isolement ne m'avait tant pesé. Jamais comme hier soir, je n'avais entrevu aussi nettement la navrante perspective de la solitude à laquelle je suis condamné à 27 ans. J'avais regret à rentrer dans mon sombre appartement vide, et je décrivais de longs circuits nonchalants à travers les petits jardins qui bordent la rue de Vaugirard et le prolongement de la rue Bonaparte. J'écoutais rêveusement l'Angélus qui tintait au clocher du voisinage. Mes narines se dilataient quand je côtoyais les pelouses, dont l'herbe récemment fauchée répandait une fine odeur qui me rappelait les fenaisons de mon village. Au détour d'un massif de rosiers, je me suis quasi jeté dans un grand garçon qui émiettait du pain à une bande de moineaux. Je me suis excusé de mon mieux, et comme le nourrisseur d'oiseaux me saluait gauchement, j'ai reconnu la tête de loup de M. Pascal Nault. Il a bégayé, rougi et écarquillé ses yeux bruns. En toute autre circonstance, je crois que je me serais borné à lui rendre son salut et à continuer ma route. Mais ce jour-là, l'influence des effusions ardentes de Sainte-Thérèse, cette odeur de foin au coupé, cette belle soirée printanière, toutes ces choses m'avaient enhardi. Je me sentais devenir expansive. J'avais besoin de communiquer mes impressions à mon prochain. Et comme, au demeurant, ce garçon naïf et demi rustique n'est ni redoutable ni compromettant, je lui adressai la parole la première. « Bonsoir, monsieur Pascal, ai-je dit. Vous distribuez aux moineaux les restes de votre dîner. » Ce mot de dîner amenait sur ses lèvres un sourire embarrassé, et il s'est dépêché de fourrer dans sa poche un gros morceau de pain de ménage. L'idée m'est venue que ce chanteau avait peut-être composé tout le menu de son repas du soir, et ce soupçon a développé en moi un sentiment compatissant qui m'a prédisposé encore à l'affabilité. « Je flâne, » a-t-il répondu évasivement. « Par ce beau temps, il m'est impossible de me claquemurer. J'ai planté là mes copies et je suis venu regarder les fleurs. Elles foisonnent donc toujours, les copies. J'en ai trop. Le papier timbré me donne des nausées et je serai obligé de rendre la moitié de ma besogne intacte à mon huissier. » Cette dernière réflexion m'a décidé. Il y a longtemps que j'ai l'ambition de me rendre tout à fait indépendante en gagnant quelque argent des écritures. J'ai repris en rougissant. « Si vous en avez trop, vous seriez bien aimable de m'en passer quelques-unes. » Il m'a regardé d'un air incrédule. « Quoi ? » s'est-il écrié. « Vous consentiriez à copier des grosses ? Et pourquoi pas ? J'ai une assez belle écriture et je vous assure que votre patron sera content de moi. Mais c'est une besogne assommante. Qu'importe. Il n'y a pas de sot métier quand on est obligé de travailler pour vivre. Je ne suis pas riche. »« Oh, alors ? » a-t-il répliqué avec une mine épanouie. « Je partagerai de grand cœur avec vous. Je vous en apporterai dès demain matin. Merci, monsieur Pascal. » Pendant quelques secondes, nous avons longé silencieusement les pelouses, puis je lui demandai « Et la musique, où en êtes-vous ? Cela marche ? Je crois que je vais mettre la main sur un éditeur qui me gravera mes mélodies campagnardes. Mais le printemps me rend paresseux. J'ai en moi comme un trop-plein qui m'alourdit, et je me sens besoin de me dissiper, de courir là où il y a des arbres verts et des foules. C'est un singulier sentiment que je n'ai jamais éprouvé à la campagne. Hélas, ce sentiment, je le connaissais et j'y compatissais. « Oh, ai-je repris, êtes-vous seul à ce point ? N'avez-vous pas d'amis ? Je n'ai ni amitié ni le reste, » a-t-il répliqué avec un sourire. J'ai fait mine de ne pas comprendre. Il a continué avec une explosion de franchise rustique. « Voyez-vous, quand ma solitude me pèse trop, je viens ici. Je regarde les petites ouvrières ou les étudiantes qui passent au bras de leurs amoureux, et comme Jean-Jacques, je mange mon pain sec à la fumée du rôti des autres. Cette fois, je n'ai pu m'empêcher de rire. La glace était rompue, et nous avons fait, comme deux camarades, une partie de causerie le long des allées qui sentaient bon, et où le crépuscule tombait peu à peu. Tout à coup, un roulement de tambour a résonné au loin, et les gardiens se sont mis à crier « On va fermer !» Il est temps que je me sauve, et je dis tout honteuse, en pensant aux inquiétudes de Naniche qui m'attendait pour souper. « Je compte sur votre promesse, monsieur, à demain !» Il s'est arrêté, hésitant, et ne sachant s'il devait me quitter immédiatement. Enfin, il m'a salué. Je suis sorti par la grille de la rue de Fleurus, et en me retournant, je l'aperçus qui me suivait des yeux immobiles, plantés comme un terme devant un massif de lilas.